Pourquoi Napoléon III fut-il présenté comme l'ami des Arabes? Bien que Napoléon III ait imposé son régime impérial en liquidant la Deuxième République, paradoxalement, il s'est comporté à l'égard des Arabes d'Algérie d'une manière qui respectait les idéaux humanistes de 1789, alors que les politiciens républicains de son époque les ont piétinés pour défendre la domination coloniale. Après une première escale à Alger en septembre 1860, Napoléon III fit son retour en Algérie en 1865 pour un long voyage d'études. Il découvrit à ce moment-là les fléaux qui accablaient 15 millions d'Arabes assujettis aux 200 000 Européens installés en Algérie depuis le début de la conquête en 1830. Son désir de combattre ces injustices criantes joua un rôle essentiel dans son projet de création d'un royaume arabe. Il bénéficia pour cela du soutien d'Ismaïl Urbain, son conseiller mulâtre qui avait appris l'arabe, s'était converti à l'islam et avait épousé une musulmane. Nommé par l'empereur chef de mission au ministère de la guerre, il s'imposa comme le spécialiste des affaires algériennes. Égalité parfaite entre indigènes et européens, il n'y a que cela de juste, d'honorable et de vrai. C'est au nom de cet argument que l'empereur adopta plusieurs senatus consultes, c'est-à-dire des actes émanant du Sénat et ayant force de loi. L'un d'entre eux, promulgué le 14 juillet 1865, pour fixer le statut des personnes, stipulait que les indigènes étaient des Français régis par la loi musulmane. Ils pourraient bénéficier de la pleine citoyenneté à condition de renoncer à leur statut personnel. Ces mesures se retournèrent rapidement contre Napoléon III. Les indigènes algériens, qu'ils soient musulmans ou juifs, étaient hostiles à tout ce qui remettait en cause leur tradition au nom de l'assimilation et de la civilisation. Profitant des difficultés politiques croissantes que rencontrait l'empereur, la campagne des colons contre le royaume arabe s'amplifia à partir de 1868. Une conjonction d'intérêts s'esquissa alors entre les colons, qui défendaient leurs privilèges, les républicains, qui utilisaient l'Algérie pour dénoncer le césarisme en métropole, et les catholiques, qui rêvaient de rétablir la civilisation latine et chrétienne. L'effondrement de l'Empire sonna le glas du royaume arabe. Dès le mois d'octobre 1870, un gouverneur civil remplaça le gouvernement militaire. Il fut décidé que les 30 000 électeurs français seraient représentés par 6 députés et que les musulmans n'auraient plus de représentants. L'échec de Napoléon III en Algérie s'explique d'abord par la mobilisation des colons arc-boutés sur leurs privilèges. Mais ce fut aussi la conséquence du système politique antidémocratique qu'il avait mis en place. Étant donné qu'un empereur n'est pas vraiment le représentant du peuple souverain, il était concevable que Napoléon III puisse se présenter à la fois comme l'empereur des Français et des Arabes. Mais la conception républicaine de la citoyenneté, fondée sur le principe de la nation une et indivisible, interdisait que deux peuples puissent cohabiter à égalité au sein d'un même État souverain.